Il a fallu que je surveille à peu près certains trucs et t'as encore rien fait comme d'habitude. Donc Non mais moi non, mais moi je te demande, on avait dit ah, qu'on faisait un... bah, ah. Pourquoi les débats sont, pourquoi les poèmes sont pas prêts, les poèmes, Sandy? Attends, enfin, vous tenez devant le micro. Mais ouais, mais tu fais jamais ce qu'on te demande. Pourquoi tu fais jamais ce qu'on te demande? Si. Non, mais attends, je suis en train de te préparer des trucs spectaculaires. Ça va pas être, je voudrais te dire, je t'aime ni autre. Ça va être autre chose. Même, enfin, quand même, merde, il faut le faire, ça. Non, mais il faut le faire, les poèmes. On avait dit qu'on faisait des poèmes maintenant, après chaque fin de débat, en fonction des thèmes, Gérard. Moi, je veux les poèmes, hein. Moi, j'écoute la radio, il n'est pas question que tu me dises à la semaine prochaine, hein. Oh! Non, mais je rigole pas, là, hein. Non, mais dans ces cas-là. On a reçu du courrier. Oh, mais attends, si c'est du courrier bidon, c'est pas la peine. Non, le courrier bidon, j'en veux pas. D'accord? C'est clair et net, moi, courrier bidon, j'en veux pas. Non! Attends, non! C'est du bon courrier. Ouais, c'est du bon courrier. Ah ouais, moi aussi, je fais du bon courrier, si vous voulez. Oh, le connard enchaîné. Ouais, voilà, le connard enchaîné, quoi encore? Et puis quoi encore? Le GG Mag. Ouais, ben ça, j'en veux pas. Alors ça, c'est du bon enchaîné. Courrier. Ça, c'est du bon courrier. Alors moi, du courrier comme ça, toi, c'est pas la peine de me le donner. Autant le foutre à la poubelle. Aïe, hop, c'est bon. Aïe, hop. Aïe, c'est bon. Ouais, tu parles. Marre-toi. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore sur la liste hein, de l'équipe. Alors ça, on ne sait même pas qui fait le débat ce soir, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne? Eh ben, c'est bien. S'il n'y a personne, ok, c'est bien. Valkatlingson, il n'y a personne. Vous faites quoi, là? Vous faites quoi? Bah, je prends mon temps comme tu fais avec les poèmes. Ah ouais, ok. Alors c'est bon, il n'y a pas de débat ce soir, Max, fais ça les bons têtes. Oh non. Terminé, point final à la ligne. Non, mais attends, calme-toi. Non, il cherche pas, alors c'est pas la peine. Il cherche un preneur. Il cherche un chien. Gaël, c'est pareil, hein. C'est pas la peine de. Parce que tu me détestes que. C'est rien, c'est mais en plus, elle te déteste pas, c'est toi qui te fait dans la tête qu'elle te déteste. Ouais, non, mais. C'est normal, bon, elle fait pas partie de l'équipe. C'est sympa. Ah, il se regarde. Non, mais tu fais une chose. Tu l'annonces si tu veux, moi, je te laisse le feu vert. Je te préviens tout de suite, je suis pas d'accord. Je te laisse le feu vert. Alors, attention. Tu fais ce que tu veux. Attention, écoutez. Sandy a une nouvelle à vous donner. C'est officiel, il est minuit. Non, mais gars, il n'a pas besoin du casque, il n'a pas besoin du casque. Non, mais garde le casque, Gérard, parce que juste parler devant un micro. Minuit 41, nous sommes aujourd'hui jeudi, je ne sais plus combien. Vendredi, même, on peut le dire, enfin, dans la nuit de. Combien? Le 20 février 1998, Sandy, on t'écoute. Sandy, on t'écoute. Moi, je pense que c'est officiel, on va se marier le 20 juin 98. Et ton billet. Alors moi je préviens les auditeurs, c'est pas la peine d'essayer de vouloir nous appeler sur le portable à Sandy. D'ailleurs, les auditeurs ne sont pas invités. Donc toi tu restes le témoin à Sandy. Voilà, donc moi je suis le témoin officiel de Sandy. Et tu seras le parrain s'il y a. Ça y est, c'est déjà prévu. De toute manière, t'es coincé, toi, tu peux rien faire. Par contre, donc toi, t'es le témoin. D'accord. Donc, non, j'ai vu aucun accident, moi. Non, mais les gens de ta famille. Oui. Donc, c'est-à-dire ton père, ta mère, et ton frère et tes sœurs seront des nôtres. Ouais. Attends, toi t'es pas sûr, toi. Non, attends, pour l'instant toi t'es pas sûr parce que on a des petits trucs à régler. Et ça, je vais régler ça aussi avec Manu. Maintenant que c'est annoncé, nous on voudrait savoir qui c'est qui s'amuse à dire c'est toi et Manu qui va lancer les numéros. Non mais je vois ça, mais tu risques de rester chez toi, ce jour-là. Là, c'est con que de venir faire la teuf avec nous. Là, c'est con, là. Ouais, mais gratte-toi le nez, moi, ça n'a rien à foutre. Gratte-toi le nez. Là, tu fais ce que tu veux. Mais je te préviens d'une chose, que si c'est toi qui... ou Manu, Comptez pas venir pour le vin. D'accord? Pour l'eau, oui, mais pas pour le vin, voilà, exactement. Ah, en même temps, en même temps, en même temps. Donc personne n'appelle? La personne prend l'appel. Mais c'est quoi, Manu, là, les lignes, là? Putain. Non, mais ça sert à rien de continuer. Hier, c'était le bordel. Ce soir, ça recommence. Eh ben, si c'est pour faire pareil pour les débats, c'est pas la peine. Voilà, on donne quand même le numéro de téléphone. Autant laisser de la musique, comme ça, on va laisser la place à Marine. Non, non, ben, sinon, je vais le faire à ta place. Il y a Nina sur Minitel, en tout cas, qui te dit toutes ses félicitations. Aristo, tais-toi, Gérard, et va au resto du cœur. Ouais, lui qui l'a avec sa père foutre. Il y a de la cervelle en rab là-bas au resto du cœur. Ouais, c'est pour bien. Présenter, non mais c'est bien. Juste avant d'accueillir des gens, il y a quand même des gens qui appellent, hein, quand même, si ça y est, on me dit que ça se réveille. Donc petite blague, attention, t'es prêt? Non, elle est marrante. Elle est rigolote, c'est pour ça que je me permets, elle est pas mal. Comment reconnaît-on Gérard dans un train? C'est mignon. Comment reconnaît-on Gérard dans un train? Ton avis, Sandy, comment on peut reconnaître Gérard dans un train? C'est une blague qui est dans le connard enchaîné, mais qui est rigolote, tu verras, elle est pas méchante. Je crois que j'ai déjà eu j'ai déjà vu la réponse. C'est le seul qui cherche les chiottes dans la locomotive. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Non, c'est bien. Bon. Donc, c'est tout ce qu'on lira là-dessus, parce que c'est un torchon, ce truc. Non, mais je l'ai vu, donc c'est de la merde. Par contre, dans le GG Mag. Non, mais ça, c'est de la merde. C'est lui qui veut que. C'est Fildar qui m'a dit, lis-le, tu verras, c'est sympa. Ouais, lis-le, toi, abruti. Alors. Toi, mais toi, de toute manière, tu vas pas faire grand-chose ce soir. Comme ça, tu vas aller faire dodo. Voilà, alors c'est. Tu vas aller faire dodo, hein. Alors, il y a des rédacteurs. Non, mais c'est bon, c'est pas la peine de le dire. Tu passes. Non, on va saluer quand même le rédacteur en chef qui s'appelle Fuckman. Et chouchou. Donc, sur les deux personnes. C'est la semaine que nous avons aperçu Gérard à poil. Alors, c'est une connerie, ça. Tiens. Oui, je vais le garder quand même. Alors, donc ça, sont... ouais, mais ça, on verra ça plus tard dans la soirée. On verra ça plus tard dans la soirée, GG. Non, donc... mais on va le passer si on a personne. Bah non, on a du monde. On a Goldorak qui est là. Goldorak, bonsoir. Ouais, salut, Francky. Salut, Goldo. Ça va. Je sais pas si Goldorak sera invité au mariage. En fait, on veut venir avec Tony et Arnett. Non. De manière, il y a hors de question. Tu m'as déjà pêché sur le portable. GG, c'est pas moi, putain, je te dis. Mais c'est quelqu'un qui s'est passé pour lui, putain, sérieux, parce que non. Tu vas comprendre, GG. Sérieusement, alors, vas-y. Mais tu le sais bien, GG. Non, mais de manière, avec Sandy, on s'est mis d'accord. Il n'y a aucun auditeur qui vienne. Il n'y a aucun auditeur. Tiens, il y a une photo de Christine, par contre. Il n'y a aucun auditeur qui vienne. GG, on voulait juste venir te jeter du riz à la fin, c'est sympa. On va te balancer de la smoule et tout ça. Non, il n'y a aucun auditeur qui vienne. Des auditrices. Aucune, on ne fait pas de sélection pour mon témoin. Je peux juste te souhaiter tous mes vœux d'odeur avec Sandy. Mais tes vœux d'odeur, tu vois, je me les carre au cul. Ah, bah comme d'hab alors. Bon, Goldo, quelles sont les statistiques de la semaine dernière? Alors, attends, les statistiques, faut que GG, il dit que je l'appelle, mais il faut qu'il arrête de m'écrire. Attends, je t'écris pas, d'accord? Ah, si. Alors, si, ça, c'est pas cool, ça. Tu fais comme avec Fijo, tu fais venir son courrier chez moi, et ça, j'aime pas. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu regardes bien la signature, et moi, je vais faire part d'une signature, et vous allez voir si c'est bien la mienne. Moi, j'ai ton abonnement, en tout cas, au facochère qui fouette à la maison. Ah, ouais, t'as pas l'abonnement des connards? Non, mais quand t'arrêtes pas. Il est ce soir, GG. Attention, il est en forme, Goldo, va falloir s'accrocher. Poli-poli, ouais, non, mais il est. Non, là, y a pas de poli-poli, mais attends, moi, je vous préviens. Oh, tu la permes, s'il te plaît, pour un son, je précise que pour le 20 juin, il n'y a aucun auditeur d'invité. Oh là là, terminé, pas con, point final à la ligne. Aucun auditeur. Mais nous, on n'est pas des auditeurs, on est des amis. Non, même. Alors, Goldo, je sais que. J'imagine que les statistiques ont dû remonter au niveau des agressions. Du débat de la semaine dernière, ça a été un petit peu plus mouvementé. C'est un petit peu plus mouvementé, on reste quand même dans une période, on va dire, assez calme. Mais c'est vrai que ça a tendance cette fois-ci à repartir en couille. Gérard, ben, si tu veux, les insultes et les vulgarités, ça peut encore aller parce qu'on n'a pas passé la barre des 100. On est à 79, avec 9 merdes, 3 putains, 5 cons, 2 connards, 14 conneries, 3 connes, 5 abrutis, 6 fait chier, 11 rien à foutre. 7 ta gueule, 4 tu gerbes, 6 bordel, 3 va te faire foutre et 1 je t'emmerde. Mais en fait, ce qui est en grosse progression, c'est ces fameuses expressions. On a quand même 31 à bombin, à bombin. Ça faisait bien longtemps. On a 23 de manière. On a 29, non mais attends. On a 18, bon allez, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? 19 dans ces cas-là. 22, je vais te dire une chose. 16 fois, ça commence à bien faire. Et ma préférée, c'est quand même 37 fois. C'est qui vient de dire ça? Alors quand Gérard, il dit, moi j'adore. Et puis après, on a des trucs un peu plus calmes. Tu te fais 12 fois, 43 fois quand même, tu te calmes. Tu te réveilles 11 fois, tu réponds 17 fois. Il rase 9 fois, et puis bon, mais il a pas trop dégagé les auditeurs, il dirait que 113 entre guillemets en tout. 9 fois tu retournes au standard, 14 fois tu dégages, 19 tu vires. Non, mais de toute manière, je pense que ça va encore recommencer ce soir parce qu'apparemment, je suis en train d'écouter ce que tu dis, et puis en même temps, je regarde à peu près les lignes du standard. Ouais. Et apparemment, apparemment, ça a l'air de sonner, mais... Mais Manu, il a décidé de ne rien faire ce soir. Ouais, pour l'instant, j'espère que ça va pas être le même que la semaine dernière, parce que sinon, ça va aller vite. Je vais faire qu'un débat, et à 2 heures, moi, je m'arrache. Goldorak, je veux bien participer, moi, GG. Non, moi. Goldorak, par contre, il y a un truc qui serait vraiment bien dans tes statistiques, c'est que tu puisses aussi noter combien de fois il fait allusion à Fildar ou à Manu, parce que je suis persuadé qu'il y en a des deux qui en prend quand même beaucoup plus dans la gueule que d'autres par moment. Bah ouais, je le fais avant, ça, je le fais plus, mais je peux recommencer. Je crois que la semaine dernière... C'est une petite compétition. Je vous explique, là, Gérard s'est levé pour aller vers le standard, et comme il y a les feuilles sur le standard, on voit pas les feuilles qui, on voit pas comment les boutons clignotaient comme quoi il y a 24 lignes qui sonnent. Donc Gérard, en voulant enlever la feuille du standard, et a fait constater à Manu qu'il y avait 24 lignes qui sonnaient, monsieur passe son temps au téléphone. Oh, Manu! Il passe ses coups de fil perso. Manu! Non, mais de toute manière, moi, je commencerai pas à 1 heure, donc c'est bien clair et précis. Moi, je commence pas à 1 heure si on prend pas des gens du standard. Mais attends, tu permets, Manu. Là, t'es en train de tu joues à quoi, là? Tu mets des feuilles. Il y a Gaël, pour l'instant, qui est au standard et qui essaye de voir. Excuse-moi, mais tu sais, on a 2 standards, hein, pour prendre les lignes, hein. Ah ouais, les rappelles pas, tu peux pas les avoir à l'antenne. Attends, tu permets? Vas-y. Tu permets? Là, c'est pour rappeler les gens, Gérard. Mais ça, c'est quoi? C'est des gens pour tes débats. Donc, on est en train de lui expliquer comment fonctionne un standard. Ça fait 3 ans qu'il vient à Fun Radio et c'est aujourd'hui qu'il comprend comment marche un standard. C'est les 24 lignes qui sonnent. Gérard, s'il te plaît, essaye de m'écouter. Non, mais moi, sur les 24 lignes, si tu prends. Non, j'ai l'impression. On va avoir des abrutis. Et là, tu me prends personne sur les 24 lignes. Alors maintenant tu vas prendre les 24 lignes. Voilà. Parce que sinon c'est moi qui vais le faire. Voilà. Je partirai pas avant. Voilà. Et je voulais juste te dire également qu'il y a un auditeur qui m'a une trick. Je pense que tu connaissais, t'avais déjà entendu parler. C'est le truc de Grease. Et ben il y avait un morceau qui n'a rien à voir avec ses paparelles. Mais je crois qu'il y a un truc qui a été fait. Regarde Sandy. Carrément un disque qui a été fait depuis que tu sors avec Sandy. C'est Grease. Hein, c'est Grease. C'est la pièce du samedi soir ou l'autre Non, parle devant ton micro là, attends pas. C'est ou la pièce du samedi soir ou l'autre, comment qu'on l'appelle, le deuxième. C'est quoi ça? C'est la BO de quel film ça, Gérard, ça? Ça c'est la pièce du samedi soir. Non, c'est l'autre. Non, c'est le premier, c'est Guise. C'est merde, Guise. Ben c'est la pièce du samedi soir. Bah la Guise, c'est la BO, c'est la pièce du samedi soir, Guise. Guise. Non, Guise. Guise. C'est bien la BO du samedi soir. C'est bien la musique du film de la pièce du samedi soir. Mais de qui tu parles? De quoi tu parles là? Non, bien sûr. De quoi, Gérard? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis, Gérard? L'autre, il me dit non, c'est pas la pièce du samedi soir. C'est lequel, alors? C'est pas la pièce du vendredi? Et ça, c'est la fièvre du samedi soir. Qu'est-ce qu'est la fièvre du samedi soir? Mais si, la musique du film. Mais attends, je l'ai vu dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais de quoi tu parles là, Gérard? Attends, je ne comprends pas. Qui et quoi? Que quoi et quoi? Là, c'est la musique du film, la fièvre du samedi soir. Mais qu'est-ce qu'est la musique de la fièvre du samedi soir? Guise. Ah, Guise, ah oui, d'accord. Oui, bah oui, Guise. Non. Alors c'est quoi? Dis, vas-y, si c'est quoi? Ben voilà, tu sais pas. Vas-y, abruti! Ah, pourquoi tu dis? Non mais attends, mais Phil, il le sait très bien parce que c'est son époque, Fildar. Non, c'est quoi? Bien sûr que Guise, c'est la fièvre du samedi soir. Abruti, mais c'est service de mes deux, là. Non, toi tu fais peut-être... T'as envie de travailler ce soir? Parce que là, je vois que t'es comme ça, t'es en train de bouffer, mais t'as envie de travailler? Non mais arrête de bouffer, merde. Bon, et toi, tu bouffes? Alors, Bertrand, 18 ans de Nantes, salut Bertrand. Ouais, salut mec. Ça va? Bon. Alors aujourd'hui, j'ai appris une grande nouvelle. J'étais sur Internet. Allô? Ouais, je t'écoute, on t'écoute. Ah ouais, non, je voyais un. J'étais sur Internet et je suis tombé sur un site où il parlait du fameux Gérard. Et dessus, il disait que Gérard, en fait, était un grand acteur et qu'il avait joué dans beaucoup de films et que en ce moment, il était au chômage et il était venu sur Fun Radio pour divertir les auditeurs. Alors, je vais dire une chose. C'est vrai, quoi, Gérard. Non, mais attends, déjà, bonsoir à toi. Ouais, salut. Ouais. Alors, je vais dire une chose de, pour commencer. Tes conneries. Tu t'écartes. C'est pas les miennes, c'est celle d'Internet. Moi, je suis. Oh non, non, mais tu t'écartes, parce que si ça t'amuse de dépenser des fric sur Internet, c'est bien, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est gratuit Internet, Gérard. Comment ? C'est gratuit Internet. Ah ouais, c'est gratuit. Alors là, je vais dire une chose, que c'est pas gratuit du tout, ok ? À partir du moment que t'as la ligne, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Tout le monde sait que c'est 10 francs la minute, tout le monde le sait, ça. Voilà. Alors donc, ton truc, ben, tu te mets bien profond. Tu dégages. Voilà, tu dégages. Voilà, bonne nuit à toi. Ouais, ouais, et t'es payé combien, Gérard ? Ça te regarde pas, voilà. Ah ouais, non, mais je parle pour faire acteur, hein, parce que... Non, mais ça te regarde pas, de toute manière. Ah ouais. Moi, tu seras acteur, Gérard, t'as fait un film, là ? Moi, on m'a dit qu'il avait joué dans Christine, dans les chiottes de la Oco. Ouais, ben, ta mère, elle est en train de se faire sodomiser. Allez, hop, dégage. Non, Gérard, on ne parle pas de la famille. Non, mais il n'a pas besoin de dire des conneries. Non, mais Gérard, tu te rends compte si un auditeur dit ouais, puis ta mère, Gérard, tout le monde en cul. C'est dégueulasse, tout ça. Ça fait pas plaisir. Je vais porter plainte au tribunal, t'as pas le droit de causer ma mère comme ça. Quoi ? Ah ouais, attends, tu veux aller au tribunal ? Ouais, ouais. Dans ce cas-là, moi, je vous mets tous au tribunal parce que vous me faites chier. Tu t'en fous et. Allez, dégage. Gérard est surexcité ce soir. Allez, bonne nuit. Voilà, donc. Ça va faire du bien à tout le monde. Donc, les deux débats de ce soir, est-ce qu'on peut avoir les thèmes, s'il te plaît, Gérard ? Bah, tu les connais depuis le temps. Ouais, mais je ne sais plus, parce que l'autre, il m'a dit que c'était les étoiles, maintenant, Manu. Non, c'est les étoiles et les stations. Mais, les stations ? Les étoiles et les stations. Dans le tourisme, abruti. Les stations-service, on l'a déjà fait il y a à peu près 15 jours. Voilà, c'était pour savoir si tu savais. Ouais, c'est ça, mais tu nous as fait le coup déjà mardi dernier. Hein. Ouais. Donc, on commence par le tourisme, c'est ça ? Non. Ah bah c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont préparé. Ah bon. Bon alors moi c'est pas la peine. Bon, donc, tous les deux vous dégagez. Alors bonne nuit à vous. Manu. Non, vous allez dégager parce que vous êtes en train de foutre. Manu a sélectionné des gens pour le débat du tourisme. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Non c'est station. C'est. Non. Non mais attends, toi tu vas pas me faire chier, d'accord ? Non, mais tu as déjà pas commencé. Alors tu la fermes, d'accord ? Parce que pour l'instant, pour le 20 juin, t'es pas encore noté, hein. Ah, c'est con, hein. il a les boules, le fil d'arrêt, tu lui as mis un petit coup. Ah ben, ouais. Tu te démerdes. Oh ah ben, tu crées, tu fais ce que tu veux. Ah ben, c'est bien. Ah ben, dans ce cas-là, il n'y a rien, donc on va vous laisser avec Paris. Ils ont piqué les combinés du standard, déjà qu'on a les lignes qui s'aiment, on peut pas prendre. Moi, Gégé, je peux te mettre les auditeurs en air, si tu veux. Hein. Non. Il y a des fax déjà qui commencent à tomber. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, tous nos voeux pour le mariage, regarde. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. C'est plutôt cool, ça. Fais voir le logo, là. Et ils ont pu signer. Putain, c'est cool. Non, mais... Hey, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Attends, moi, je fais ça, ouais. Bah, c'est cool, ça. Plutôt bon esprit, ça, sur le site. Je c'est sur le fax. On a reçu un fax en direct live. Non, mais Gérard. Tu vois ton équipe, qu'il n'y a plus de combiné de téléphone. On peut plus prendre d'appel. Ah, ben, dans ce cas-là, on ne travaille pas. Donc, on va laisser Marine. Voilà. On laisse Marine, c'est tout. Voilà, bonne nuit. Voilà. Bon, bah, merci Gérard de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle. On te souhaite une bonne nuit et on te retrouve. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, allez, trêve de plaisanterie. Ils vont revenir avec les combinés de téléphone. Non, mais moi, je ne prends pas. Mais bon, c'est amusant. Attends, déjà, tu vas pas commencer à foutre ta merde, d'accord ? Je n'étais pas sûr de faire le standard. Comme Marine est là, elle va peut-être faire le standard. D'accord ? Ah, c'est con là ce qui va t'arriver. Et toi tu as. C'est con là parce que ce qui va t'arriver c'est que t'aurais pu bosser et du coup là tu vas partir en week-end. Ah ouais, et tu vas partir en week-end, tu vas aller à Lyon là. Ouais. Mais là t'es pas sûr de bosser gratos là. T'es pas encore sur la bonne voie. Déjà pour. Mais d'avoir carte blanche, je te préviens quand même d'une chose et ça, j'ai allumé le micro à Sandy et ça, Sandy va être d'accord avec moi. Pour l'instant. C'est Manu et... Oh, bande de câbles, là. Pour l'instant, vous... Écoutez. Non, mais pour l'instant, vous n'êtes pas sûr d'être sur la liste. Hein. Oh. De quoi ? De la loco ? Ah non, pas de la loco, parce qu'on n'y va pas cette semaine. Ah bon ? Non, parce que tu me crois pas le coup que tu m'as fait la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui t'a fait comme quoi, là, le mot, j'aimerais bien savoir. Il sait pas, qu'est-ce que tu... Non. Bah si, dis. Non. Dis. Parce que quand tu la vois, dans les... ici... Non, mais donne les prénoms qu'on comprend à la radio. Non. Non, mais je ne comprends pas. Est-ce que j'ai pas fait la bise à Sandiel à loco? Non, mais... Sandiel, même Sandiel est là, elle ne comprend pas ce que tu es en train de dire, là. Je ne comprends pas du tout. Non, mais alors... Tu comprends très bien ce que je veux te dire, toi. Bah non, elle ne comprend rien, alors. Explique-toi, Gérard. Tu l'as dit, déjà, Olivier, c'est pareil. Manu, tu dis qu'il a bu, Gérard. J'ai rien dit. Ouais, c'est ça, t'as fait ça. Lundi, t'as fait la pipe. Bon, alors Manu, tu te démerdes, tu prends ma place et moi je me casse chez moi, c'est tout. Des questions, alors. C'est bon. Ah non, mais... Premier débat. Ah bah. Des questions. Je vais les chercher sur Internet. Ah bah, elles sont sur Internet en plus. Eh bah, bravo. D'accord. Joue au con, toi. Eh bah, la semaine prochaine, il n'y aura rien. Il n'y aura rien jusqu'au 20 juin. Ouais, mais marrez-vous. Vous allez voir, moi, quand je dis quelque chose, là, pour la semaine prochaine, il n'y aura rien. On a vu avec les poèmes, hein. Oui, mais... Ouais, Gérard, j'espère que tu vas nous faire les deux poèmes comme c'était prévu ce soir, que tu nous fasses pas le plan. Tu as eu quand même 2 jours pour préparer tes poèmes entre mardi, mercredi, jeudi, quand même, pas préparer des poèmes en 48 heures, vu que tu fous que ça de la journée. J'espère quand même que tu as pu le faire. Oui, les papiers, c'est toi qui les prépares. Oh oui, c'est très très dur, c'est vrai. Oh là là, tu crois que moi je fais quoi pendant toute la journée? Je fais 10 trucs en même temps et j'ai le temps d'être en temps et en heure à faire ce que je dois faire. Donc j'espère que tu nous feras les 2 fameux poèmes avant la fin des débats. Sandy? Je crois que je vais l'aider un petit peu. Ouais, tu vas l'aider un petit peu, mais enfin... Pildar, je te préviens, c'est pas la peine. Non, moi je vous préviens, c'est pas la peine de... Donnez-moi déjà les noms à peu près. Je voudrais voir à peu près les... Heidi, Gameboy, Florent, Greg, Vega, et je rappelle une fille. Ouais, pour l'instant, vous n'avez pas pris... Non. Non, mais attends. Quoi? Et là, il y a les 24 lignes qui sonnent, alors... Là, il y a les 24... Non, mais Gérard, il n'y a pas besoin de prendre à chaque fois les 24 lignes quand il y a déjà 6 personnes de sélectionner. Ils vont sélectionner les autres pendant le débat. Ouais, mais tu parles, ils vont rien sélectionner. Mais c'est à toi de faire ton boulot. Gérard, ça sonne plus. Personne ne peut parce que tu l'as arrêté. Alors arrête tes bêtises, Manu, s'il te plaît. Bon, alors... Ça va aller vite. Le premier débat, on va voir comment tu vas se passer. S'il se passe mal, moi, j'arrête. C'est tout. Le deuxième débat, vous irez vous faire foutre. Voilà, exactement, vous irez vous faire foutre, auditeur. Voilà, très bien. 0870-5000 et 0803-08-5000. Dans un instant, les débats de GG vont commencer dans le calme et la sérénité. On va faire sortir tout le monde. On va être là tranquille tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la nuit. Non, on le passe tout de suite. D'accord. Donc, appelez-nous 0870-5000. Voici les grands. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, bonsoir, 1h08. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800-308-5000 et 0870-5000 et toujours 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et donc, on va partir sur les étoiles. Le thème du premier débat, on va accueillir Vega. Par contre, j'aurais bien voulu qu'on me donne comme il faut les titres de disques. Hein. Je ne le connais pas, Sildar, c'est quoi? C'est quoi, combien d'écouter? C'était Grandmaster Flash avec The Message, Gérard. Voilà. De la version maxi de 7 minutes. À la basse, il y avait Joe DiMambro, si je me souviens bien. À la batterie, t'avais Tony Dino. On s'en fout. Moi, je veux simplement le dire, c'est tout. À la gratte, t'avais Jean-Michel Duvivier. C'est un mec, un français, un mec super sympa. Et le producteur, c'était qui? C'était... Le producteur, toi, tu as commencé par te calmer, d'accord? Ça serait bien que tu répètes tout ça, Gérard. Non, mais donc, vous me les écoutez. Est-ce que Fildar vous dit... Avec, je répète, le batteur, c'était Tony DiMambro. Oh, Fildar! T'avais... Fildar, tu vas te calmer, parce que sinon, tu as... Le bassiste. T'en es sûr de faire le standard là jusqu'au bout? Je crois pas avec moi. C'est toi qui vois. Non mais je crois pas. Tu fais l'arrière après, Fildar, de toute façon. Non mais on verra. Allez, on continue. Donc on accueille Vega, bonsoir. Bonsoir GG, ça va? Bonsoir. Jérôme. Et bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Greg. Ouais, salut GG. Eddie. Non, Heidi. Heidi. Oui, bonsoir Gérard. Alors réveille-toi s'il te plaît, merci. Oui, mais tu commences mon prénom correctement. Ouais, ben, pour l'instant, moi, j'annonce comment on est marque, ok? Gangboy. Bonsoir, Gérard. Et Flo. Salut GG, salut Candy. Non, Sandy, elle est pas là. Et Sandy, elle vous emmerde. Bon, là, ça va pas commencer, Manu. Non, bon, moi, j'arrête. Non, attends, laisse-moi faire un impression. Je règle. On va remettre le retour. Ça commence bien. Attends, non, tu vas pas commencer. Non, je règle. Non, non, tu vas pas. Elle apprend petit à petit. Voilà, non, non, mais déjà, tu vas. Attends, déjà, si ça te plaît pas, toi, tu vas dégager. D'accord, et Manu, tu vas pas commencer ta merde. Ok. Pardon. Bon. Gérard, le débat. Le premier, c'est sur les étoiles. Bon, on va commencer comme ça et vous allez voir comment ça va faire tout à l'heure. Vas-y. Alors, plus tard, tu vas j'attends qu'il refasse. Ah ouais, ouais. Ouais, tu vas attendre qu'il refasse. Moi, tu vas pas attendre longtemps avec moi, d'accord? Parce que tu vas pas faire partie de l'équipe longtemps. Donc, connaissez-vous le nom des étoiles? Le Game Boy. Ouais. Alors, moi, j'en connais quelques-unes. Tu veux que j'en cite ou pas? Non, mais t'en connais Moi, Jérôme, j'en connais, moi. Ouais, non, mais attends, Jérôme, s'il te plaît, ouais. Sharon Stone, Jack Nicholson. Ouais, Sharon Stone et pourquoi pas la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. D'accord. Merci pour celui qui a la musique derrière. C'est bien parce qu'il y a un petit Larsen, mais non, ça commence à bien faire. Je crois que c'est un portable. Ouais, non, mais attends, les portables, moi, je vais faire comme Max. Aucun portable dans les portable, débats. Portable, portable, il y a un L entre le B et le E. Ouais, ta connerie, elle a quoi dans la tête? Rien. Rien, donc si c'est toi qui joues avec un portable, tu déconnes. Bon, quels sont les noms des étoiles? Ben, pour l'instant, tu vas te calmer, d'accord? C'est pas... Oui. Je peux te poser une question? Vas-y. C'est, qu'est-ce que t'as mangé à dîner ce soir et qu'est-ce que t'as bu, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ben, comme ça, une question. C'est qui ton nom? C'est Vega. Alors, Vega, tu dégages. D'accord. Bonne nuit. Allez hop, ça commence. Vega, tu la sors. D'accord, Gérard. Et que Gérard, qu'est-ce que t'as mangé pour accompagner le pinard? Moi aussi, c'est pareil. Non, mais allez-y, continuez, parce que j'ai l'impression que vous allez, ça va vite se terminer ce soir. Vous allez vous calmer. Donc, Greg. Greg! Ouais! Oh, tu travailles ou quoi? Ouais. Qu'est-ce que ça? Oh là! Bon, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Non, non, attends, fil d'art, s'il te plaît. Oui. Moi, je commence pas un débat où les mecs ils sont à moitié endormis. Mais il y a fil d'art qui me parle au rond. Gérard, il y a Game Boy qui peut parler. Non, parce que là, j'étais en train de lui dire à la antenne que ça va être à lui qu'il faut qu'il réponde bien à tes questions. Donc vas-y, tu peux lui poser maintenant, il va t'écouter. Vas-y, je t'écoute. Non, mais il y a un portable et les portables, j'essaie de le trouver, continue. Alors, Jérôme. Bon, bah, mais moi... Gérard, parle. Non, mais attends, Manu, Fildar. Allez, ah, ouais. Gérard. Déjà, une. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh là là là là là. Tu commences mal, Gérard, encore ce soir. Hein. Ouais, je commence mal. Bah oui. Faudrait peut-être mettre tout le monde en air. Mais ils sont en air, ils attendent tes questions. Bon, déjà, il y a rouge, des là, c'est rouge, là, ils sont en air, Gérard. Bon alors. Game Boy. Ouais, je t'écoute. Bon, alors moi je connais trois étoiles. Mmh. Je connais l'étoile la Grande Ourse, tu la connais? Non. Non? L'étoile du Berger, tu la connais? Ouais. Ouais, tu vois où elle se situe un peu? Non, mais vas-y, dépêche-toi. Et puis je connais une étoile qui est dans ma classe, ça s'appelle Estelle. Et c'est ce que ça veut dire Estelle? Ça veut dire étoile aussi. Mmh. Et voilà, il y a que celle-là que je connais. D'accord. Eda? Moi, c'est l'étoile des grands ours, mm-hmm. Et ça du Berger, à peu près, c'est tout. Sinon, ouais, comme Game Boy. Quoi. Ouais, bah, faut pas essayer de trouver d'autres solutions que les auditeurs disent en premier, hein, d'accord? Ouais, Greg. Game Boy? J'ai déjà parlé, hein, j'ai déjà répondu, Gérard. Ouais, Greg. Vas-y, Greg. Ouais, moi, l'étoile de mer. C'est tout? Ben alors, Greg, tu vas pouvoir retourner chez toi, bonne nuit. Non, elle existe. Elle existe, elle est sous l'eau. Flo? Donc, non, justement, Florent, c'est celui qui avait le portable, donc je lui ai dit désolé, hein, faut que tu raccroches parce qu'il n'avait pas d'autre téléphone. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un à la place de Flo. Alors, Vega? Oui, je connais des étoiles interstellaires, donc Vénus. Et après? Pas des étoiles terrestres. Vénus, et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a la petite ours et puis la grande étoile, je crois. C'est-à-dire? Bah, c'est une étoile qui se trouve dans l'univers intergalactique, ça s'appelle la grande étoile, c'est tout. D'accord. Jérôme ? Ouais, bah, je connais pas beaucoup, je connais Castor Pollux. Je connais les constellations d'étoiles, parce que je regardais quand j'étais petit les chevaliers du Zodiac. Mais sinon, voilà, c'est tout. Vega, tu as déjà commencé à te calmer, d'accord ? Attends, pas te poser une question. Non, mais pour l'instant, moi, je vais vous répondre. Personne n'a été capable de me dire l'étoile filante, Mars. C'est pas une étoile, c'est une étoile filante. Ah, c'est pas une étoile, c'est pas une étoile. Eh non. Ah non. Bien sûr que si. Dommage, c'est une marque de stylo, hein. Ah oui, étoile filante, c'est une marque de stylo, abruti. Hein? Bon, passons. Il y a quoi comme étoile encore, j'ai... Il y a Mars. Non, non, Mars. Tu prends pas des gamins de 14 ans hein, pour les débats. Gégé. Attends, on t'est grillé, Phila. Gégé. On prend pas les gamins de 14 ans pour le... Qu'est-ce que je fais? Non, mais attends, tu vas te réveiller, d'accord? Parce que là, on va pas commencer, on est déjà à la première question, et apparemment, ça commence déjà toute la merde. Alors, il est 1h16, je préviens tout de suite que si c'est le bordel, il y aura qu'un débat. Donc, l'étoile filante, c'est une étoile, je suis désolé. D'accord. Il y a Mars aussi. Mars, c'est une planète. Ah, bah, c'est une planète et une étoile, GG. Oui, ben, dans ce cas-là, Vénus. Oui. Vénus, c'est quoi? Bah, c'est une étoile. Mmh. Bah, et c'est une planète. Oui. Mmh. Neptune. Aussi. Aussi. Mmh. Vas-y, continue, il y en a 12 encore. Eh, GG, il y a le soleil aussi, hein, parce qu'il brille. Ouais, vas-y, GG, continue. Mmh. Continue, alors, vas-y, c'est un truc qui est... Non, mais allez-y. Non, mais moi, je me souviens plus, alors vas-y, dis-moi. Non, mais attends, toi déjà, tu vas te calmer, parce que tu vas pas commencer à couper la parole aux auditeurs quand on parle, d'accord, Vega? Il y a personne qui parle, ouais, il y a personne qui parle. Alors, elle a le droit de parler, non? Merci. Si ça vous plaît pas, je vous préviens une chose, si ça vous plaît pas, ça va être pareil. Mais vous allez gerber. C'est quoi ta deuxième, là? Allez, bon, alors déjà, Greg ou Jérôme, vous allez dégager. On a rien dit, Gérard. On a pas dit dans un boîtier? Ok. Non mais c'est bon, vous calmez un peu là tous les deux là, entre Manu et Olivier, d'accord? Il est où Olivier au fait? Bon. Pas ça l'arrête cousse, hein. Qu'est-ce que numéro 2 s'il te plaît? On attend. Oh, vous savez pas comment ça me prend la tête parce que c'est moi qui commande et moi je vais vous gerber vite fait. Oui mais on attend tes questions, je... Attends, Béga, tu as le permis, d'accord? Non. Non, bah alors tu dégages. Et hop. Tu me dégages, Vega, pour de bon. Ah bon, qu'ils ont fait? Hop, tu la vires. Tu la vires, passe pas sur un autre nom. Okay, d'accord. Bonne nuit à toi, Vega. Bonne nuit. Non, non, mais tu la vires complètement, celle-là. Alors, quelles sont les planètes les plus proches du Soleil? Ouais, Greg. Ouais. Mercure. Ouais. Ouais. Et puis la Terre. Ouais. La Terre, c'est en 3. Ouais. Et en 2, c'est quoi? Attends. Fil d'art. C'est quoi? Soit tu me dégages. Des gens proprement standard ou tu dégages, toi. Tu gueules pas, Gérard. Vas-y, occupe-toi de ton débat, là. Vous savez pas comment ça me casser les burnes, ok? Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens Vega pour de bon. Elle est partie. Parce que sinon, moi, je demande à ma barine de venir faire le standard. Mais il se dit qu'elle est plus là. Complètement pas, non. Bon, c'est pas grave, vas-y Gérard, continue. Alors, la question. Si c'est parano, vous allez voir comment ça va faire tout à l'heure. Vous allez voir. Il y aura qu'un débat. On fout, Jérôme, qui je suis couché plus tôt. Bon, alors toi, tu vas te calmer aussi. Ah, Heidi, je peux répondre? Oui. Alors, Mercure, Saturne, ouais. Mars, ouais. Jupiter, mmh. Ouais, la Terre, en 5 peut-être. Et après? Non, il y en a. Je connais pas tous, hein. Non, mais quelles sont les planètes les plus proches du Soleil? Je crois que... Non, mais on en a. Il y en a quand même pas mal. Vas-y, on t'écoute. Non, mais... C'est Jérôme. Il y avait aussi Gugudja, mais elle a brûlé parce qu'elle était trop près. Bon, Jérôme, tu dégages, bonne nuit. Mais c'est vrai, c'est scientifique. Attends, Olivier. Olivier, s'il te plaît. Non. Olivier, je te dis en deuxième débat. Non. J'ai besoin d'aide, j'arrive pas à trouver des filles. Non, alors Marine. Non, mais pas des filles pour faire le standard, au standard. Non. On pourrait parler de Gugudja. Bon, ben, continuez comme ça, moi ça va aller vite. Je vais arrêter à la deuxième et je vais rentrer chez moi. Comme ça ira plus vite. Bon, troisième question. Game Boy. Gérard, j'ai pris mon dictionnaire pour t'aider et j'ai les 20 étoiles les plus brillantes du ciel. On s'en fout, on est au terre. Dis-moi. Alors, t'as la... Bon, je sens qu'on va s'envoyer un disque et vous allez réfléchir parce que là, ça commence à bien perdre. On va parler de tes questions aussi. Comment ? On pose bien la question. Alors donc, il est l'heure, on va remettre un disque et vous allez bien réfléchir. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Quels sont les... toi, si ça te plaît pas, tu dégages, d'accord ? Merci. Donc, quelles sont les planètes les plus proches du Soleil ? Et on va s'envoyer, je vais vous annoncer le titre. C'est Rendez-vous de Jean-Michel Jarre, donc c'est sur la Coupe du Monde 98. Non, du tout, il y a un truc à faire. Bah, je suis désolé, c'est Max qui vient. Non. Olivier, va chercher Max, s'il te plaît. Non mais merde. C'est quoi, explique. C'est une promo qu'ils font qu'on passe. Voilà. Bon, bah, vas-y, passe la promo avant, il faut 30 secondes. Non, il y a un disque à faire. Ce que tu fais, c'est que tu mets d'abord le disque, et après, tu passes la promo. Bon, continue, Gérard, faut que tu combles. Voilà. Non mais c'est bon, vas-y, passe ton disque. Mais non, vas-y, continue. Non. Question numéro 3. Non, pour l'instant on reste sur le 2 et vous allez vous réveiller parce que je sens que ça va pas aller comme ça. Moi je vais arrêter là, je vais rentrer chez moi. Ah mais t'es de mauvaise humeur aussi, je comprends pas. Ouais, je suis de mauvaise humeur, pour l'instant j'avais demandé au sonar qu'on prenne d'autres personnes. Gérard, est-ce que Game Boy peut répondre à la question s'il te plaît? Ben si tu veux, ouais. Alors, les étoiles les plus proches du Soleil sont dans l'ordre Mercure, Vénus... Attends, Game Boy. Qu'est-ce qu'il y a, Fulnard? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai expliqué à Manu comment il devait faire son boulot, c'est tout. Pour que le débat se passe mieux. Ouais. Hein? Pour l'instant, c'est moi qui commande, d'accord? Donc, Manu t'envoie le disque. Dans 2 minutes. Non, dans 2-3 minutes. 2-3 minutes. Donc, il faut que tu... on va faire la question maintenant. Il fait caca. Vas-y Gérard, je réponds après, ils envoient le disque. Voilà, on va faire ça. Gérard, tu te réveilles ou tu dégages? Attends, toi déjà, vous allez me prendre des gens au standard là, il y a les 24 lignes. Bon, il y a deux standards, vous foutez pas la merde! Alors ça commence à bien perdre tous les jeudis. Donc, il y a deux nouveaux candidats à ce jeu magnifique. Il y a Xavier... Ah ouais, deux nouveaux candidats à ce jeu magnifique. Toi, tu as dégagé. Allez hop. Non, c'est bon, Manu, tu me mets le disque. Non, moi, on peut pas le mettre. Donc, Xavier. Max. Xavier, 23 ans, Max. De Limousin. Bonsoir, Xavier. Max. Et Sun, 18 ans, de Lyon. Salut, Gérard. Bon, ouais. Non, moi, je continue pas, j'arrête, tu prends. Tu te démerdes, moi, j'arrête, je rentre chez moi. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu cries comme ça? Oh. C'est tout. Il faut t'en regarder. Non, ça fout rien. Ça fout rien. Ça pour rien. T'abuses. Non, ça pour rien. Ça pour rien, j'arrête. T'abuses aussi. Mais parce que... Mais si. Non, mais attends, je demande quelque chose. Mais non, parce qu'il voulait qu'on envoie le disque. Et comme tu dois mettre la preuve... Pour l'instant, tout le monde dort. Tu me veux... Vous servez, vous dégagez. Je ne peux plus vous voir. T'es chiant. Moi, je t'écoute, t'es chiant. Non, t'es chiant, t'es devenu trop dictateur. Tu veux trop ton truc, ça devient n'importe quoi. Donc faut que tu te calmes, Gérard. Non, moi je continue pas comme ça. Ah, mais nous non plus, de toute façon, donc ça tombe bien, donc Dans ce cas-là, tu fais ta demi-monologue et moi je rentre chez moi. Les deux débats, on les prend la semaine prochaine. Ah non, il n'y a pas de semaine prochaine, ça sera à partir du mois de juin, puisque apparemment t'as décidé. T'es chiant. Qu'est-ce qui se va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais attends! Pour l'instant, je demande à ce qu'on vire des mecs. Les 24 Simpson, ils sont en train de me prendre des fiches, là. Voilà. Mais ça sert à rien de faire sonner, ça sert à rien de prendre tout le temps les 24 lignes, il faut qu'ils se concentrent sur le standard et des gens qu'on a déjà. Attends, mais il fait rien, quand je demande à quelqu'un qui vire, il vient pas. Mais j'ai viré les filles, regarde, j'ai rappelé du nouveau là. Ouais, qui parle? Xavier c'est qui? Xavier c'est Xavier, 23 ans, de Mimizan. Et après? Et il y a Sun, une jeune fille de 18 ans qui habite à Lyon. Ouais, dans ces cas-là, tu vas me reprendre Vega, qui change de nom, d'accord? Bah écoute, et tu verras si c'est Vega. Bah attends, Réo. Hein? Parce que quand je te demande de virer... Vous avez dit que les gens avaient le droit de discuter, dès qu'ils disent un mot de travers, tu les vires. Donc on passe son temps à virer des gens toutes les 2 minutes. C'est pas non plus c'est pas une usine. On peut pas toutes les 30 secondes virer des gens, prendre des gens comme ça, c'est pas non plus un dictateur. On n'est plus à l'époque de César, on n'est pas à l'époque de tout ça. Donc essayez d'être un petit peu plus tolérant, de demander aux gens de se calmer, mais pas à toutes les 2 minutes, dès que quelqu'un te dit quelque chose, je le vire, j'en fais un autre. C'est pas de la viande. D'accord. Okay. Ouais, je viens, mais alors... par contre, Manu... T'étais à rien, qu'est-ce que c'est que ce double son que j'ai entendu? Non, presque pas. Ah bah, il me semble que non plus. Non, je crois que Gérard, là, tu deviens un petit peu parano. Ça va plus aller, là, je crois qu'on est bon pour la date. Après cette amie, oh, bah, moi aussi, parce que j'en peux plus non plus, tu me fatigues. Eh ben, dans ce cas-là, on continue. Quand on fatigue, quand il y a pas de t'inventes des doubles sons, t'inventes des gens, t'inventes un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, on va retrouver Gérard d'ici quelques instants pour la suite de ces débats. Moi aussi, je vais faire des réunions pour demander à ce que tu te calmes, parce que pour une fois que ça se passe bien, c'est toi qui fais que ça se passe pas bien, Gérard, à cause de toi, c'est dommage. Donc, dès le début du débat, ça se passe pas vraiment bien. On va essayer de remettre les pendules à l'heure pendant le temps d'un petit disque. 0870-5000 et 0803-08-5000. Ouais, c'était les aspects avec Révolution 909 et donc on récupère... C'est pas ça, Gérard, c'était Rolling and Scratching, c'est de la loco. Ah ouais. Comme par hasard, c'était pas les aspects tu si, me prends, tu c'était me prends pas, pour un con. C'était pas Révolution 909, ah, c'était les Rolling and Scratching. Bah oui, mais c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Bon. De toute façon, on a tort, là. Qui c'est qu'on récupère? Donc on a Sun à la place de Vega. Sun, 18 ans, de Lyon, comme c'est dit tout à l'heure. Salut Gérard. Salut. Tu vas bien? Mmh. Ouais. En forme. Après, on récupère Jérôme. Oui, bonsoir. Et ça y est, ça va mieux. Greg. Ouais, salut Gégé. Eddie. Oui. Gangboy. Salut Gérard. Et Flo. Elle est partie. Non mais Flo est parti parce que c'était celui qui avait le portable. Maintenant, c'est Xavier. Ouais, salut Gégé, ça va? Xavier s'appelle. Tu me fais la liste. Donc, quelles sont les planètes les plus proches du Soleil? Game Boy. Oui. Alors, je vais te les donner dans l'ordre. La plus près, c'est Mercure. Ensuite, t'as Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà. Et comme moi, j'ai sous les yeux, bon, j'ai regardé un peu de... Aussi dans le dico. Gérard, t'inquiète pas, moi aussi j'ai le dico sous les yeux. On a regardé dans le dico, hein, Gégé. Ouais. Non, mais moi j'ai Terre et Jupiter, hein. J'ai pas eu le temps de chercher toutes les planètes parce que je pense qu'on en a beaucoup, hein. Ah, ben il y a Game Boy qui vient de te les donner, hein. Ouais. Ouais, ben je pense que toutes les planètes que t'as citées, Game Boy, je pense qu'à mon avis, c'est les mêmes, hein. Oui, à mon avis aussi. On est d'accord. Donc, Xavier. Bah, qu'est-ce que je te dis de plus? Il a donné pile poil dans l'ordre. Mm-hmm. Je peux pas rajouter, hein. Ouais, mais ça, ouais, mais essayez de me dire si des fois vous en avez d'autres. D'accord, on va les inventer. Inventer les planètes. Les autres, c'est plus connu, hein, les autres, on les connaît pas. Bah, moi, si tu veux, Gérard, il y a des étoiles géantes, il y a l'étoile de. Oui, de mais par contre. Aussi, ouais, ouais, voilà, tout à l'heure, quand j'ai demandé, connaissez-vous le nom des étoiles? Tout le monde me dit, l'étoile pilante, c'en est pas une. Mais si, c'est une. Tout à fait, ouais. Ouais, elle s'en est une. Elle est très connue d'ailleurs, Gégé. Elles sont toutes filantes, les étoiles, non? À un moment ou à un autre? Ah non, non, c'est un phénomène lumineux qui est quand même assez restreint, quoi. Ça reste pas toujours, quoi. Mm-hmm. C'est alors, là, une question que je vais poser. Ouais. Donc, bon, bah, je pense que je vous ai répondu sur la question, là. Ben, on va faire avec. Ouais. Bah, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre comme étoile? C'est Game Boy. Oui. Tu sais qu'une étoile filante, dans mon dictionnaire, c'est une météore. Donc, c'est pas vraiment une étoile, en fait. Hein. Oui, mais elle fait partie, quand même, du style d'univers. Oui, oui, ouais, c'est sûr. Ça fait partie de l'univers. Je suis désolé, Game Boy. C'est une étoile de polaire, quoi. Et Gérard, c'est Jérôme. Il paraît que quand on voit des étoiles filantes, il faut faire des vœux. Mais moi, ça marche pas parce que t'es toujours là. Non, mais attends, Jérôme, s'il te plaît. Déjà, Jérôme, tu vas te calmer. Oui. Hein? D'accord. Parce que j'ai déjà reconnu ta voix, donc tu t'appelles pas Jérôme, mais tu t'appelles Tony. Ouais, bonsoir. Voilà. Alors, Tony. Donc, qu'est-ce que j'avais précisé mardi? Non, à la réunion. Il est là depuis le début. On a Oui, mais c'est ça, Jean, il faut l'appeler. Oui, l'échange. Donc, on a dit, on rappelle les habituels de temps en temps, c'est ce que je fais. Ah oui, mardi, je t'ai dit qu'on rappelait les habituels. Non, mais attends, alors, tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Non, non, je me fous pas de ta gueule, hein, je prends ouais, pas le train. Tu prends la locomotive. Ouais, ou la loco. Ouais, ouais, je vais prendre la loco. Ouais, tu vas prendre la loco dans les chiottes comme... Non, on parle pas dans des chiottes de la loco, Gégé. D'accord. Bon, combien... Gérard, excuse-moi, il y a une question sur Minitel qui t'est directement adressée. C'est Max Biaggi qui te demande. Il nous dit que toi, ce que tu me connais le mieux, c'est les trous noirs. Tu vois, s'il vous plaît, moi je te préviens Manu, encore une question, con comme ça sur Minitel, le Minitel on le referme, ok, et je fais plus de 30, j'annonce plus de 36-15, donc d'accord, je lis pas le deuxième de Max Badji, c'est pas la peine, non c'est pas la peine, si c'est pour dire des conneries comme ça, ça sert à rien, c'est ta lune qui est la plus proche de la loco, je le dis pas, non, Okay. Alors donc, ça commence à me prendre la tête, d'accord? On est bien d'accord. Ok, je referai plus. Hein? Et cela, cette histoire de là et puis l'histoire de Diana, ça commence à me prendre la tête. Non, c'est bien compris. Combien il y a d'étoiles dans l'univers? Game Boy. On va demander à Xavier, Game Boy, tu vas couper 5 minutes, je t'arrête 5 minutes. Ah, c'est gentil de me laisser parler, Gégé. Xavier. Bah alors, il y en a, il paraît, 12 653 942. Non, combien d'étoiles y a-t-il dans l'univers? Je viens de te le dire, 12 643 642. D'accord. Ah, si. Et Game Boy. Bah non, mais attendez, on va y aller calme. Heidi. Non, moi je l'ai sous les yeux, c'est 100 milliards d'étoiles. D'accord. Dans la galaxie, ouais. Game Boy. Alors les scientifiques évaluent le nombre d'étoiles et ils disent... Ah non, mais attends, Game Boy. Je te préviens, je veux pas savoir de l'histoire des scientifiques, j'en ai rien à foutre. Ah parce que moi j'ai voulu les compter, mais je me suis endormi, quoi. Donc il doit y en avoir une affinité, je présume. On peut pas les compter, en fait. Mm-hmm. Heidi. Mais j'ai répondu, j'ai dit 100 milliards. Mm-hmm. Eh bien, mais... Greg. Ouais, pareil, des milliards, ouais. Mm-hmm. Jérôme. Disons, Tony. Non, appelle-moi Jérôme, je préfère. Plein, je sais pas. Non, je sais pas. Une infinité, comme disait la demoiselle. Mm-hmm. Son. Ben, moi, je pense que... Enfin, on peut pas les compter, parce que c'est qu'une illusion. Leur lumière, elle nous arrive que des années-lumière plus tard, et c'est un peu idiot de les compter, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Gérard, quoi, parce que... On est dans un monde un peu virtuel et ouais, la lumière nous arrive que très tard et c'est plus les mêmes étoiles, elles sont déjà mortes depuis des années-lumière, quoi. Je suis obligé de me taper les 4 saisons. Jérôme, s'il te plaît, tu te calmes. Hein? Moi, je peux vous dire une chose que je préfère regarder. À mon avis, je pense que c'est plutôt des milliards d'étoiles qu'il y a. On peut pas les compter. Pourquoi pas une infinité alors? Oui, mais ça, tu peux pas les compter, les ouais, étoiles. Parce que l'infinité, c'est une, donc tu peux la compter. Donc il faut dire qu'il y a des milliards d'étoiles. T'as raison, Gégé. Je suis avec toi. Mm-hmm. Vive l'électrisme en France. Mm-hmm. D'accord, ça, c'est Jérôme qui vient de répondre, hein. Oui. Oui, mais je m'en doutais que c'était toi. Il y a aussi beaucoup d'étoiles d'araignée, hein. Oui, d'étoiles d'araignée. On va arrêter les jeux de mots. L'étoile d'araignée, ça n'a pas le rapport avec les étoiles normales qu'on voit dans le ciel, d'accord? Ah oui, c'est vrai. Alors, par contre, la question, ça, c'est une question que je vais m'amuser avec vous. Avec quoi Oui, amuse-toi avec moi. Amuse-toi, fouette-moi. Non, mais vous savez vous calmer parce que... Aujourd'hui, on est calme, t'as remarqué. Attendez 5 minutes. Oui, mais c'est comme ça qu'on veut partir sur le premier débat, hein. Je suis désolé. Ouais, mais oui, mais même. C'est clair. Ben oui, mais... Moi, je peux bien répondre aux questions qu'on me pose, mais faudrait que... Là, déjà, une. Pour l'instant, c'est pas moi qui ai choisi les auditeurs, c'est là. Hein. Moi, si les auditeurs dorment, c'est pas la peine. Attends Manu, c'est pas à toi que je m'adresse, d'accord? Mais j'ai rien dit. Non, mais c'est moi qui parle. T'es à l'arrière. Mais, okay. Mais je t'ai rien dit, Gérard. Non, mais moi, si au standard, vous voulez... Gérard, si tu penses qu'il y en a un qui dort, tu me le dis et je le réveille. Ouais, quand je dis des milliards, pas, hein. De manière ça, les milliards, je sais pas... Bon. D'après vous, y a-t-il une vie sous une autre planète? Xavier. Oh, mais merde, vous allez réveiller, vous allez vous réveiller quand je parle ou pas, merde. Vous allez parler, Gégé, tu me laisses pas parler. Oh non, mais là, ça commence à bien faire. Oh, Gégé, tu me laisses parler. Ça commence à bien faire. Oh, Xavier, Gégé, c'est Xavier, je peux parler. Et Game Boy aussi. On peut parler, Gégé, ou pas? Ouais, allez-y. Bon, alors donc, c'est Xavier. Moi, bon, à mon avis, il y a plein de petites ET dans l'univers. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits extraterrestres qui viennent nous voir, mais en fait, on les voit pas parce qu'ils sont invisibles. D'après vous, y a-t-il une vie sur notre planète? Oui. Oui, c'est clair, on le sent tous les jours. Bah, je sais, toi, t'es pas un être humain, mais on sait qu'il y a de la vie sur Terre. Tu t'en approches, quoi. Ah oui, on les effleure tous les jours, quoi. On les sent passer autour de nous et tout. En fait, ils sont invisibles, on peut pas les voir, Gégé. Mais pourquoi? Bah, j'en sais rien, quoi, ils sont invisibles. Non, parce qu'ils vivent dans une autre dimension, dans notre monde, quoi. On peut pas les sentir. Par exemple, si je vous dis demain, Voire la semaine prochaine, on change de planète, d'après vous. Est-ce qu'il y aura une autre étoile qui apparaîtra? Attends, c'est quoi le rapport là? C'est pas logique ta question. Non mais attends, d'après vous, y a-t-il une autre vie sur notre planète? Par exemple, moi, si je vous dis, si on change de planète, sur une autre planète, si on change de planète, est-ce qu'il y aura autant d'étoiles? Mais bien sûr. Ah bah, mais elles seront peut-être plus près ou plus loin, ça dépend de la planète. Oh, ben, j'allais voir où t'es. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Imagine au bout de l'univers, eh ben, t'en verras que d'un côté des étoiles. Même à l'heure actuelle, t'en vois d'autres des étoiles. Évidemment que t'en vois d'autres, GG. Il y en a partout des étoiles, GG. Il y en a partout autour. Même sous tes pieds, il y en a, j'en suis sûr. Bon, il dit. Partout du trou dans l'univers, il y a des étoiles. Il dit. Oui. Et partout où tu vas, il y a des étoiles. C'est pas logique quand même, tout autour de la Terre. Il y a des étoiles, donc j'en vois pourquoi. Dans notre planète, il n'y en aurait pas. Bah, je voudrais poser une question, Gérard. Tu sais, si par exemple tu disais qu'on pouvait être sur une autre planète, mais si par exemple il fait mauvais temps sur la planète, tu sais, généralement sur Terre, quand il fait mauvais temps, on ne les voit pas les étoiles. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on peut les voir sur une autre planète, même s'il fait mauvais temps? Si on a le matériel adéquat, si on peut les voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi comme matériel? Un fer à repasser, alors toi, avec ton fer à repasser, tu dégages. Ouais, c'est les périscopes, ça s'appelle. C'est le gyroscope. Non, mais... C'est caméscope. Non. Le gyroscope. Non, c'est des... Télescopes. Des télescopes. Ah, télescopes. Télescope, ouais. Alors, vous saviez pas? Non. Oh, les câbles, c'est rien. C'est pas un câble. C'est quoi, un câble? C'est toi. Ouais, c'est ça. Alors, les étoiles ont-elles une distance parmi nous? Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Le répéter en français, ça fait... C'est-à-dire, Vera? Genre, t'as connu le CP? Non, mais attendez, si c'est pour commencer à dire des conneries, vous allez dégager, hein, et on va s'écouter, Attends, mais déjà, on a parlé, là! Deux questions, GG. Non mais attends, faudrait peut-être déjà que quand je pose la question, qu'on me dise pas ouais, c'est quoi cette question. Ah oui, il faut que tu la répètes parce qu'ils n'ont pas compris. Sur les étoiles. Écoutez. Les étoiles ont-elles une distance parmi nous? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Explique la question, Gérard, ils ne comprennent pas. Bon alors, parmi nous, est-ce qu'on a une distance? Parmi nous, est-ce qu'on a une distance? Ouais. Est-ce que les étoiles ont un sens pour nous? C'est ça que tu veux dire? Oui. Ah. Alors, ont-elles une distance parmi nous? C'est le sens ou autre, hein. Ouais, d'accord, le sens où tout est vers ça. Oui, tout à fait. D'accord. Vas-y. Bah écoute, elles doivent nous éclairer, quoi. Je pense que... Ouais. Non, mais à mon avis, je pense que... Non, on va pas la faire, saute. Ouais. Non, mais je pense que... Là, je crois que... Donne ton avis, déjà, Gérard, ça peut être inspiré. Non, je pense que ce débat, c'est même pas la peine qu'on le termine. Mais pourquoi? T'as vu tes questions aussi? Mais non, elles sont très bien les questions. Bon, attends, Jérôme, tu dégages. Vous les comprenez pas les questions. Allez, Jérôme, tu dégages. Donc, allez, ils vont réfléchir à la question et puis ils répètent là, ils vont réfléchir, ils vont certainement trouver une solution, hein, je suis sûr. Alors, les étoiles ont-elles une distance parmi nous et tu me dégages, Jérôme, s'il te plaît, merci. Heidi. Oui. 1,39 millions de kilomètres. C'est-à-dire? Eh bien, la distance entre nous et les étoiles, 1,39 km. D'accord. Ça dépend des étoiles. C'est qui là? Greg. Ouais, Greg. Bah, ça dépend des étoiles. Ouais. La plus près, je crois que c'est Proxima du Centaure. Non, mais attends, ça, c'est pas le nom d'une étoile. Hein. Si, je t'assure. Si, c'est Alpha Jet aussi. Si. Comment? Alors, là, vous allez réfléchir à la question, et, parce que là, il y en a un qui vient de parler d'Alpha Jet, c'est pas la peine. Non mais je vois comme ça. Je crois qu'il a parlé des galeries Lafayette. Alpha Jet. C'est le porte-avions. Ouais, bien sûr. Gérard, il y a Gameboy qui va répondre. Oui. Alors en fait, ça dépend des étoiles parce que si tu vois que l'étoile est petite, ça veut dire qu'elle est plus loin de nous. Ouais. Et quand l'étoile elle est grosse, ça veut dire qu'elle est plus près de nous. Donc, plus près de nous. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu vois, c'est l'étoile qui est près de nous. Là, Manu, tu vois, tu viens pas d'entendre le bruit de la musique, là. Non. C'est Martin qui arrive, j'ai juste... Non, ça nous fait un petit son space. Ouais, c'est E.T. qui arrive. C'est E.T. qui arrive. Bon, allez. Bon, Gérard, vas-y, on y va là, parce que tout le monde s'endort là. Ouais, ben, tout le monde s'endort, vous avez déjà pas foutu le bordel de l'air. Mais on fout pas le bordel. Reprends ton débat, Gérard. Donc, prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles. Xavier. Non, attends. Je veux savoir pourquoi tu te marres comme ça au sens. Parce qu'il y a un auditeur qui m'a dit une blague et elle était hyper drôle. Et si tu veux, il pourra te la dire. Non. Ok. On continue. Donc à la place de Jérôme, on accueille Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Ça va? Bonsoir. Allô. Allô. Allô. Allô. À l'huile. C'est quoi la musique, Manu, là? Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de musique. Non, il n'y a pas de musique. Et non, mais t'as Lucine, genre. Ouais, ben c'est bien. Ben, dans ces cas-là, on va. Tu poses la question, GG. Prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles et. On se retrouve après ton petit disque là. Tu peux l'annoncer à tout de suite. Si, tout de suite, parce que je veux savoir d'où vient cette musique. Voilà. C'est quoi ton disque, Gérard? Annonce-le alors. Maintenant, donc, c'est. La question, c'est prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles. Et on va se retrouver juste après. Et là, vous allez écouter Rendez-vous le 98 de Jean-Michel Jarre. Et voilà, donc, comme c'était prévu, donc vous venez d'écouter Jean-Michel Jarre dans Rendez-vous 98, donc c'est le thème, c'est le truc, la musique du film, la musique pour la Coupe du Monde 98, et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop Jean-Michel Jarre, mais je suis désolé. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, ben, s'ils n'ont pas voulu écouter, tant pis pour eux, mais moi, j'adore. Donc, on va récupérer Son. Ouais, salut. Bonsoir. Greg. Ouais, toujours là. Eddie. Heidi, toujours là. Heidi. Gangboy. Bonjour, bon, ça va? Bon, c'est bon, Gangboy, tu as commencé à te... calmer. À te calmer, d'accord, merci. Je me calme. Xavier, celui qui s'amuse. Celui qui s'amuse derrière va dégager. C'est Fildar. Ouais, non, c'est pas Fildar, il est un standard. Non, il y a un extraterrestre parmi nous, je crois. Après Xavier, qui c'est qu'on a? On a dit, je t'ai dit Allô, tu vois, je te l'ai mis en dessous de Son. Allô, 24 ans de Toulouse. Et il est beau gosse en plus. Allô? Oui. Bien sûr. D'accord. Non. Mais attends, quand je te demande de me virer les auditeurs. Pour l'habitude, c'est pas la peine de les reprendre sous un autre nom. Mais ok. C'est pas, mais c'est pas. C'est pas le même. C'est Eric, hein, Gérard. C'est pas le même, Gégé, ils ont changé. Ah non, crois-nous. Putain. C'est Allô. C'est Allô, là, tu vois, il te le dit. Bah vas-y, continue. Alors, prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles. Game Boy. Ouais. Alors, t'as très bien fait de poser ces questions, parce que moi, j'habite dans un immeuble qui fait 22 étages, et le soir, quand j'ai eu de voir les étoiles, bah, comme j'habite au premier étage, bah, je prends mon ascenseur, je vais tout en haut de l'immeuble, et je regarde les étoiles, et je prends le pied, quoi. C'est Allô, précise quel étage. Pardon? Précise quel étage? Non mais attends, Allô! Allô! Tu as déjà commencé par te taire, tu as laissé finir Game Boy. Parce que quand il dit au 22e étage de... Attends, 3e, hein. Ouais, mais de quel immeuble? Bah c'est le numéro 5, en face du 4. Ah oui, je suis beau gosse quand même. Putain, vous comprenez pas, mais bref. C'est bon, Game Boy, Allô, vous avez répondu sur la question. Heidi! Oh, c'est fini la musique ou quoi, merde! C'est pas toi qui poses les questions. Attends, si t'es pas content, tu dégages. Allô? Non, tu la fermes. Ouais, non, c'est Allô. Réponds, Gégé. C'est Allô qui veut répondre. Quand je t'aurai appelé, tu répondras à la question, d'accord? Okay, d'accord. Alors, Xavier? Ouais, donc moi je dis plus on est haut, plus mieux on voit les étoiles, donc vaut mieux prendre l'ascenseur pour être le plus haut possible. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que quand on est en bas, on voit les étoiles toutes petites, et plus on monte, plus elles grossissent, donc mieux on les voit. Non, on s'en prend de la hauteur. Non mais donnez vos noms quand vous voulez répondre. Allô, ascenseur. Allô, je t'ai dit pour l'instant, tu te la fermes. Heidi, est-ce que tu veux? Vas-y, Heidi. Heidi. Alors, moi j'ai... Allô, tu la fermes. Bon, tu me dégages, Allô. Mais il parle pas, il dit rien. Non, non, là, c'est pas lui qui commande, d'accord, c'est moi. Il commande pas, il dit c'est toi le chef. Vas-y, continue. Ouais, je peux pas. Heidi. Oui, donc moi, si j'ai un gyroscope, donc j'ai pas besoin de monter dans l'ascenseur. Je vois très bien les étoiles dans le jeu de suis, pardon. Mm-hmm. Donc voilà, quoi. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, pourquoi? Tu dois faire ça. D'accord. Edith, tu travailles, s'il te plaît. J'ai un truc à dire. Edith, t'es un peu dans les étoiles. Vas-y, ça. Ouais, vas-y, un ascenseur qui s'arrête jamais pour qu'on puisse vraiment Dans une étoile et arriver dans le ciel complètement. C'est une super idée, ça, Gégé. Hein. Ah ouais. Là, c'est un peu de la science-fiction, quelque part. Bah ouais, mais bon, faut bien rêver de temps en temps. Hein. Ouais, mais je sens que la réunion de mardi, vous avez pas compris, là, tous les deux, hein. C'est qui ce jeu? Ouais, non, mais c'est Manu, on n'a pas compris. Non, je crois pas, hein. Ouais, mais... Non, ça, à mon avis, ça vous amuse, hein. C'est bien. Ouais, mais okay. Ça n'a pas l'air, hein. Bon, Gérard, on y va? Mmh. Bah, on continue. S'il te plaît. Pensez-vous que Charles l'étoile... Tu peux y répondre, toi, Gérard, à ta question? Personnellement, moi, je préfère aller voir les étoiles sur une terrasse d'un immeuble. Donc tu prends l'ascenseur? Je peux y aller aussi bien à pied. Ah bah à la campagne ou à la ville ça monter, Gégé. À la campagne, je me vois mal avec... T'habites dans un immeuble ou à Suresnes, Gégé? Alors, celui qui vient de dire Suresnes, tu dégages, merci. Ouais, mais précise la ville. Précise la ville aussi, hein. Non. Il n'y a pas besoin de préciser de ville, d'accord? Parce que la terrasse... Tu regardes, Gérard, il y a des villes qui sont en montagne, donc tu vois mieux les étoiles que si... Il n'y a pas besoin de préciser de ville. Dans le bassin parisien ou c'est dans le... besoin de préciser de ville, ouais. D'accord? Pourquoi? Ah, pourquoi? Explique aussi. Non, mais attendez, vous n'allez pas me faire chier quand...